L'actualité à Nancy et ailleurs. La traditionnelle journée médiévale revient pour notre plus grand plaisir à Liverdun. Ce sera le dimanche 5 juin et ce sera la 21e édition. Clotilde Cochet, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes chargée de communication pour la ville de Liverdun. Dites-nous quelle surprise va attendre les visiteurs de cette 21e édition et déjà un retour après deux années blanches. Ah oui, complètement. Oui. La dernière édition qu'on a pu faire, ça a été en 2019, donc l'an dernier, on avait fait une rétro qui avait été appréciée dans le village avec des photos, des costumes, etc. pour essayer de pas oublier, en fait. Et puis, les gens avaient vraiment apprécié cette initiative. Et donc, pour cette année, on a prévu beaucoup de spectacles, de nouveaux ateliers pour les enfants. Parmi, on suppose, les intervenants qui vont vraiment faire plaisir à tout le monde. On peut citer la compagnie des bords du monde. Alors, c'est un bestiaire un peu loufoque avec des créatures fantastiques, des personnes sur échasse comme ça, avec des costumes fantastiques qui sont menés par un maître sorcier. Alors, c'est très sympa, c'est très, très visuel et très drôle aussi. Et puis, on aura beaucoup de musique. Ça compte beaucoup dans l'animation de la fête. Donc, on a plusieurs troupes primées hein, qui vont venir animer, donc avec de la musique médiévale, bien évidemment, donc avec les instruments d'antan. Et puis, ces personnes à la voix assez joyeuse comme ça et qu'on aime écouter, et qui nous font danser toute la journée. Le 5 juin, donc, dès qu'on va passer la porte haute de Liverdun, on va voyager dans le temps parce que vous incitez aussi les personnes à venir costumées. Oui, tout à fait. C'est ce qui fait partie vraiment de la spécificité de la médiévale de Liverdun, c'est qu'on a plus de 500 personnes qui jouent le jeu et qui portent un costume médiéval ce jour-là. Bien sûr, on les aide à cela, hein, puisque tout le monde ne peut pas se fabriquer un costume. Et donc, on a notre propre costumathèque. On s'organise hein, avec 2-3 costumathèques. On entretient les costumes toute l'année. Et on a plus de 600 costumes à louer, adultes et enfants. Cela, c'est encore possible jusqu'au 1er juin. Sur le site de la ville et sur le site de la médiévale, vous pouvez retrouver tous les horaires des permanences. Pour les enfants, c'est gratuit. Et pour les adultes, c'est symbolique, hein, c'est 3 euros. Ça nous permet d'entretenir hein, toute l'année ces costumes-là. Et bah, avec ces 3 euros-là, ils ne repayent plus le jour de la fête. Voilà, l'immersion reste totale alors pour cette journée. Hein, c'est de 10h à 18h, le dimanche 5 juin. Pour celles et ceux qui viennent d'un peu loin, je crois que vous proposez aussi des navettes. Hein. Il y a des parkings un peu excentrés, mais il y a des navettes pour permettre aux personnes de venir à la médiévale. Tout à fait. Le principe, c'est qu'on bah, ne peut pas mettre de voiture sur le site. Hein. La cité médiévale, elle est comme elle est, hein, avec ses rues étroites. Et si on veut que tout le village soit en fête, il faut mettre les véhicules à l'extérieur. Donc on est bien organisé pour cela. Nous avons des parkings relais au nord, au sud, au centre de la ville et nous avons des navettes en bus, donc avec la communauté de communes. Hein. C'est un des gros investissements qu'ils font pour nous à ce moment-là. Eh bien, on a des navettes qui circulent et qui vous amènent à l'entrée de la fête, à la porte haute. Donc tout est fait pour que ça fonctionne. Et on tient aussi à ce que les personnes qui ont des grosses difficultés de marche ou de handicap puissent bénéficier de la fête. Donc là, on a un système spécial pour eux. Il y a un parking qui leur est dédié. Et là, on a des navettes pour personnes handicapées qui les amènent, elles, vraiment devant la porte haute, encore plus près. Tout est fait pour que cette journée plaise au plus grand nombre et ça c'est assez formidable. Donc le dimanche 5 juin, on peut peut-être aussi, vous avez dit qu'il y avait des spectacles, il y a de quoi se restaurer sur place. Il y a aussi des démonstrations, voire des ateliers sur place. Oui, beaucoup, hein, parce qu'on tient en fait à ce que cette journée soit culturelle et que l'on puisse voir en fait les techniques de l'époque. Donc il y a des gens qui connaissent aujourd'hui, qui ont su se transmettre les techniques anciennes de la forge, le travail du métal, le travail du tissu, de la laine, du vitrail, etc. Donc ces gens-là, ils font des démonstrations toute la journée, nos artisans, mais aussi pour plus de la moitié, proposent des ateliers. Et il y en a pour grand nombre qui sont accessibles aux enfants. On a aussi des campements, donc les jeunes vont pouvoir tirer à l'arc, s'entraîner avec des épées. Alors cette année, on a trouvé quelque chose d'assez rigolo. Ça s'appelle Battle of Color, excusez mon anglais. C'est une troupe qui va faire procéder à des grands tournois très conviviaux pas de danger puisque les armes sont en mousse et qu'il y a un système de craie colorée qui fait qu'en plus, du coup, c'est très visuel et que le public voit de la fumée verte, rose, bleue qui s'échappe de ce grand tournoi dont tout le monde ressort gagnant. Donc c'est assez drôle, puis ça change un petit peu. C'est un peu du paintball médiéval, on va dire. C'est une des nouveautés de cette 21e journée médiévale de Liverdun le dimanche 5 juin de 10h à 18h. Pour la location des costumes, vous en avez 600 à disposition. J'imagine que certains ont déjà été loués. Jusque quand c'est possible ? Jusqu'au 1er juin. La dernière permanence, c'est le 1er juin. Si vous avez besoin de vous renseigner, donc là, c'est l'office de tourisme qui peut vous aider. C'est 03 83 24 40 40. Et en général, c'est les après-midi. Par exemple, on a le 20 mai 16-19. Le samedi, c'est toute la journée, le 21 mai. Et puis donc ce mercredi 1er juin de 15h à 19h. Et il nous reste des costumes, ne vous inquiétez pas, pour tout le monde, les hommes, les femmes, les enfants. Merci beaucoup Clotilde Cochet. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.